Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Pour conclure cette série d'émissions spéciales consacrées à l'élection présidentielle, nous vous proposons depuis quelques semaines une réflexion en profondeur sur ce qui constitue les enjeux de ce scrutin. Cette réflexion, nous la menons avec des intellectuels qui ne sont plus vraiment engagés aujourd'hui, mais qui soutiennent quand même, au moins du bout des lèvres, l'un des deux candidats à la fonction suprême. Nous étions la semaine dernière avec Régis Debray, qui penche, lui, plutôt du côté de Ségolène Royal. Et cette semaine, c'est Max Gallo qui est avec nous. Max Gallo, qui est écrivain, historien, notamment l'âme de la France aux éditions Fayard. Une question d'actualité. Max Gallo qui a laissé entendre, vous allez nous le dire, que vous souteniez plutôt Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça. Bon, merci d'être avec nous en tout cas ce soir. Et puis avec moi pour vous interroger, Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-François Colosimo qui représente le site orthodoxie.com. Alors pour commencer cette dernière émission avant le second tour, Max Gallo, vous êtes un amateur de spectacle et de politique. Alors évidemment, une réflexion sur le débat que nous venons de suivre à la télévision. Comment vous expliquez notamment le fait que les médias aient plutôt donné l'avantage à Ségolène Royal dans ce débat, alors que les Français, eux, si on en croit les sondages en tout cas, ont privilégié Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je ne suis pas un homme de médias, mais j'ai eu le sentiment moi aussi que le débat était à partie nulle, c'est-à-dire que chacun des deux participants, au fond, avait conforté son camp, mais n'avait pas réussi à mordre sur le camp adverse ou sur celui des indécis. En effet, vous avez raison, à la lumière des sondages, il semble que ce ne soit pas le cas. Ce qui ne m'étonne pas à la réflexion, puisque le discours que tient Nicolas Sarkozy, et il a raison de le dire, est en contradiction avec ce qu'on appelle, au fond, la pensée unique, c'est-à-dire avec une idéologie qui est en place depuis les années 45-50 et qu'il est en rupture, au moins verbale, avec cette idéologie. En plus, dans ce débat, il y avait deux postures. Du côté de Ségolène Royal, on est dans l'affectif, l'agressif incontestablement, le colérique, l'émotif, la fusion avec un certain nombre de problèmes, de personnes, de classes, de couches sociales. De l'autre côté, nous avons un discours qui est plus classiquement, même si là il s'est exprimé avec modération et retenue, nous avons un discours qui est celui classique de l'argumentation raisonnée ou de la propagande, comme on voudra, mais en tout cas qui est davantage conforme au canon habituel du discours politique. Donc c'est intéressant dans cette campagne, au-delà de ce débat qui n'est pas essentiel dans la campagne, ce qui est intéressant, c'est par exemple de comparer, alors de manière beaucoup plus emblématique et beaucoup plus symbolique et de plus intéressant, le meeting de Bercy, classique dans la mise en scène, dans le discours, dans la structure du discours, et le meeting concert, ce qui en dit déjà beaucoup, de Charletti, le lieu est lui-même chargé de souvenirs, et en même temps, ce côté télé-évangéliste de la part de Ségolène Royal, qui est tout à fait fascinant. D'un côté, nous avons un discours de forme rationnelle, de l'autre, nous avons la télé-évangélie, aimons-nous les uns les autres, je vous aime, j'ai écouté le discours de Lille hier soir, c'était ça, vous me donnez la force, je n'existe que grâce à vous, et nous nous aimons beaucoup, et la foule de crier, on est donc là dans autre chose qui est tout à fait original, à mon sens, dans la vie politique française. Est-ce qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy, c'est la politique moderne, et Ségolène Royal, c'est la politique post-moderne, ou la politique de demain ? Ce pourrait être, ouais. En tout cas, le classicisme, si vous voulez, du discours de Sarkozy, me fait penser avec cet enracinement délibéré dans l'histoire, quand il est à Montpellier, il parle des Grecs, il parle des Romains, il parle des ruines, etc. Il y a donc une volonté, un peu comme faisait De Gaulle, quand il allait dans une ville, donc si De Gaulle est une forme de modernité, Sarkozy, 30 ou 40 ans plus tard, n'est plus dans la modernité. En tout cas, la référence, c'est l'enracinement historique et dans un discours rationnel. De l'autre côté, nous sommes dans autre chose, dans une version plutôt, je dirais, classiquement américaine, entre guillemets, de l'approche de la politique. Jean-François Colosimo. Oui, M. Gallo, comment on fait pour interpréter alors, je dirais, cette percée d'une certaine politique spectacle, télé-évangélique, comme vous l'avez dit, américaine, enfin, etc., ce discours non, d'amour... Je dirais pas politique spectacle, parce que le meeting de Bercy était un spectacle aussi. Oui, alors disons plutôt donc ce discours fusion, voilà, opposé au discours rationnel. Est-ce que l'apparition de ce discours fusion à gauche a quelque chose à voir avec la crise, semble-t-il, intellectuelle, idéologique, que traverse aussi la gauche, avec sa difficulté à se situer, ou alors est-ce qu'il faut le mettre plutôt du côté de Ségolène, simplement ? Ah non, je ne crois pas qu'il faille simplement le mettre du côté de Ségolène. On pourrait dire, mais ça n'est pas du tout... Vous voulez poser une question, peut-être ? Non, moi je disais, je sais pas si vous avez vu, je crois que c'était avant-hier, une intervention d'Ali Magoudi, qui est un psychanalyste dans Libération, je crois, qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait qu'au fond, ce qui se passe au Parti Socialiste, c'est que les référentiels traditionnels, disons, lutte des classes, Marx, le fond marxiste a disparu, n'est pas utilisé par personne, voire la tête du PC. Par contre, quand on enlève ce référentiel, il reste au fond, en France, pour n'importe qui, et pour Ségolène Royal en particulier, qui a une éducation catholique, il reste le référentiel chrétien. Et au fond, les références qu'elle emploie, l'aimez-vous les uns les autres, il y a un fond référentiel qui est celui du christianisme. Oui, donc je crois que c'est une bonne analyse. Et au fond, les deux questions, celle de Jean-François Colosimo et la vôtre, se rejoignent, parce que je crois qu'au-delà de ce fond chrétien, disons, qui est notre matrice, commun, ouais. qui est notre matrice commune, et de la compassion, de la fusion, il y a, et au-delà du fait aussi qu'on pourrait le dire, moi je suis très nuancé sur ce point, que cela est accusé par le fait qu'il s'agit d'une sensibilité féminine. On pourrait dire cela, mais je suis contre cette... On appelle la Madone, non ? Oui, je suis quand même contre l'accent mis sur cette question. En revanche, ce que je crois disait Jean-François Colosimo, je crois que c'est très significatif, ce que vous disiez, de l'incapacité actuelle de la gauche, mais une incapacité, après je ferai un rappel historique, l'incapacité actuelle de la gauche de décrire le monde et de le nommer, et a fortiori, étant incapable de l'interpréter, de le transformer. Vous dites qu'il y a un projet, en tout cas. Ouais. C'est comme ça. Et alors, c'est très intéressant, parce que vous avez, au fond, moi, dans ma théorie de l'histoire, entre guillemets, avec beaucoup de prétention, il y a ce que j'appelle une production spontanée d'histoire, celle que produisent les forces de production, je récuse pas ces termes marxistes ou marxisants, les forces de production, les moyens de production, les rapports de production, ça produit de l'histoire. Ça produit de l'histoire spontanée. Et puis, par rapport à cette histoire spontanée, il y a la capacité de l'interpréter, de la réguler, de l'utiliser, d'être porté par elle. La gauche est incapable aujourd'hui d'avoir une description et une pensée qui permettent de décrire les phénomènes majeurs de l'époque, c'est-à-dire la révolution technique marquée par Internet, mais aussi la révolution de la science biologique et de la biologie. On n'a aucune interprétation là-dessus. Elle est incapable de décrire la mondialisation, de la décrire, je ne dis pas même de la condamner, mais de la décrire, et a fortiori évidemment de la réguler. Elle est incapable de décrire les mouvements migratoires qui sont un élément décisif. Dès lors, chaque fois qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui nomme et qui décrit, je ne dis pas qu'il a raison de nommer de cette manière-là, je pense à Sarkozy, qui nomme, qui parle, qui dit il y a un problème dans l'identité nationale, ce qui est une réalité, il y a un problème posé par l'immigration, ce qui est une réalité, c'est pour elle un discours sacrilège, scandaleux, sans se rendre compte que le fait qu'elle ne nomme pas, qu'elle n'interprète pas, ne lui donne comme arme qu'en effet l'émotionnel, le fusionnel, le compassionnel, mais... Et c'est ça son drame, c'est que les couches réelles de la société française ou occidentale, etc., elles sont au contact de la réalité. Et donc elles suivent celui qui nomme les problèmes. Et là, nous sommes vraiment au cœur de la question. Je dirais, je vais faire le petit rappel historique que je voulais faire, c'est que cette faillite de la gauche à nommer, à interpréter et donc à penser le monde, elle n'est pas récente. Elle a, à mon avis, elle est déjà actée dès les années 70. Mais c'est pour cela que j'appelle la victoire de Mitterrand en 81, d'une certaine manière, une victoire posthume. Posthume sur la lancée, sur l'inertie des formations politiques, du Parti communiste, etc. En réalité, l'idéologie marxiste et la mode d'interpréter, c'est mort entre les années 60 et 70. Et naturellement, la disparition tardive par rapport à ces années 70 de l'Union soviétique, a fait éclater aux yeux du monde, que, aux yeux de tous, que le monde avait changé, qu'il était en train de changer, révolution technique, disparition donc de l'Union soviétique, et en même temps, retour d'un pensé de la gauche, retour partout des nations. 1989, ça n'est pas qu'une, la chute du mur de Berlin, ça n'est pas qu'une révolution démocratique, ou la faillite de l'Union soviétique, c'est aussi une révolution patriotique, nationaliste, nationale. On le voit avec la Hongrie, on le voit avec le Kosovo, on le voit avec l'Ukraine, on le voit avec l'Allemagne. Donc, la gauche, devant ça, elle est totalement, totalement impuissante à nommer, à décrire. Et alors, elle accuse, elle nomme, vous êtes un réactionnaire parce que vous parlez de l'immigration. Je regrette, l'immigration, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est ça, elle dit, vous êtes dangereux. Et vous êtes dangereux. Ouais. Je peux encore dire un mot. Allez-y. Si j'avais, mais mon reproche majeur et mon inquiétude majeure concernant cette campagne électorale, c'est le discours que je juge totalement irresponsable, voire, si j'osais un mot fort, dangereux et peut-être criminel, celui qui consiste à prévoir pour l'après élection, si Sarkozy est élu, des troubles. Je lis par exemple ce qu'a prononcé Madame Ségolène Royal ce matin, et qui est ceci: ma responsabilité aujourd'hui, c'est à la fois de lancer une alerte par rapport au risque de cette candidature et par rapport aux violences qui se déclencheront dans le pays. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit, il y a une sorte de tabou. En tout cas, il n'y a pas de tabou dans ce qu'elle dit. Ce qu'elle veut dire, c'est: je suis la paix civile, comme elle a dit à Charlotte. Conséquence, l'autre, c'est la guerre civile. De là à dire qu'on souhaite la guerre civile, je dirais que je ne franchis pas le pas, mais en tout cas, dans l'inconscient, le pas est franchi. Ceux qui voteront, les 53 ou 52% qui voteront, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la moitié du pays serait pour une guerre civile. Si on suit ça... Assumerait. C'est l'idée, si vous voulez. Prenez conscience, enfin vous avez tous pris conscience, mais prenez conscience de ce que cela signifie de dire, comme elle l'a martelé ce matin, monsieur, et comme Libération avait fait des pages là-dessus: quand un candidat à la présidentielle ne peut pas se rendre dans les banlieues, il n'a pas le droit ou il n'est pas apte à entrer à l'Élysée. Ce qui veut dire que vous remettez le sort du scrutin démocratique à une minorité d'une minorité capable de lancer des cocktails Molotov sur une personnalité. Car c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons bien que les casseurs ne sont qu'une minorité d'une minorité. Et donc ça veut dire que, alors que le discours responsable aurait été de dire: nous avons un programme de Sarkozy qui est un scandale sur le plan de l'économie, de l'inégalité, etc. Mais bien entendu, le suffrage doit être respecté et la paix civile et la démocratie sont précieux comme la prunelle de nos yeux. Car c'est ignorer l'histoire de France en particulier que de penser qu'une démocratie c'est stable indéfiniment. La vie démocratique c'est extrêmement fragile, c'est du cristal. Donc on joue pas avec le cristal comme avec un ballon de football. Max Gallo, peut-être une dernière question avant une première pause musicale. François Bayrou, qui a été un peu aussi l'événement de cette campagne, est-ce que finalement sa posture n'est pas une posture gaullienne et celle qui voudrait notamment se situer au-delà ou par-delà la droite et la gauche? Est-ce que finalement François Bayrou n'est pas un candidat gaulliste? Écoutez, pour être un candidat gaulliste à la présidentielle, aurait-il fallu qu'il y ait un 18 juin, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Non, je ne crois pas. Je crois que on voit très bien d'abord deux choses. Premièrement, quand on a en mémoire les scores réalisés dans le passé, à partir de 1965, des candidats se référant à la démocratie chrétienne, en gros, c'est entre 12 et 17%. Monsieur Bayrou fait 18%. C'est une très belle campagne. Il a fait une très belle campagne. Ça n'a rien de spectaculaire par rapport aux chiffres que je viens de donner. Donc, il y a en France un courant démocrate chrétien que Bayrou incarne, qu'avant lui, Le Canuet, Barre, peut-être même Balladur, d'une certaine manière, ont incarné, et il est présent là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la veille de ce second tour, il n'ose pas dire qu'il va voter blanc ou voter Ségolène Royal. Et je trouve que là, au point où il en est de responsabilité politique, c'est une absence de clarté, en tout cas. Je ne dirais pas de courage, je ne dirais pas jusque-là, mais une absence de clarté. Qui s'explique pertinemment par le fait que la stratégie de M. François Bayrou est parfaitement claire. Il lui faut une défaite de Ségolène Royal. Que cette défaite intervienne à partir d'une posture anti-Sarkozy qu'il aurait prise, lui, tout en souhaitant le discours, évidemment, le succès de Sarkozy, de manière à pouvoir utiliser la recomposition qui se ferait dans cette hypothèse et devenir le leader de l'opposition. Nous voyons partout, par exemple en Italie, que je suis d'assez près, nous voyons partout se constituer un parti démocrate, avec des anciens communistes devenus démocrates de gauche et associés à la démocratie chrétienne. Le seul problème qui rend, à mon avis, caduque cette hypothèse et cette stratégie, c'est qu'en France, nous avons l'élection du président de la République au suffrage universel. Et que les rivalités entre candidats pour accéder précisément à cette fonction présidentielle s'abordent d'une certaine manière les tentatives de réunification au centre. On n'est pas dans la même situation que dans un régime parlementaire classique comme en Italie. Max Gallo, on se retrouve dans un instant. Radio Notre-Dame. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, chante, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sang, sang, sang de l'avenir. Faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Yeah. Claude Nougaro, Armstrong, et c'est Max Gallo qui est avec nous pour cette dernière émission avant le second tour, avant le choix qui déterminera donc le futur ou la future chef de l'État. L'âme de la France, c'est le titre de votre dernier ouvrage aux éditions Fayard, Max Gallo. Cette élection, c'est aussi un choix de société qui s'offre à nous, et c'est Jean-François Colosimo qui pose la première question. Oui, vous parliez, Max Gallo, de la déréalisation, en quelque sorte, un peu de la gauche, de sa difficulté par rapport au réel, à le nommer, etc. Est-ce que la gauche n'a pas aussi envie d'occuper la rue, ou promettre que la rue sera occupée, qu'il y aura des violences, enfin, etc. parce que au fond, on veut occuper la rue quand on ne sait plus où est le peuple, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas eu là aussi un basculement du peuple? Est-ce que ce peuple introuvable est de retour dans les élections? Ou est-ce que, en fait, il a définitivement, je dirais, déserté la vie publique? Non, je ne crois pas. Je crois que les élections, enfin le premier tour de cette élection présidentielle, par le niveau de la participation, 83, presque 84%, disons 85 pour simplifier, tout à fait considérable. Par millions, les gens sont allés aux urnes. Bon, tout le monde les a vus dans les queues, etc., etc. Donc je crois qu'il y a un réinvestissement populaire, peuple, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, disons un réinvestissement de toutes les couches de la société dans le scrutin. Ce qui, à mon avis, a deux conséquences, enfin, me suggère au moins une réflexion, c'est que d'une certaine manière, cela revitalise la constitution de la Ve République et rend, à mon sens, mais là c'est un point de vue personnel, le discours sur la VIe République, la rénovation de la République, tout ça, et d'une certaine manière, est vidé de substance par le fonctionnement tout à fait exemplaire de ces élections par le simple jeu de la participation. Je dois dire que pour les amateurs de démocratie participative, dont je ne suis pas, telle qu'elle est décrite, cette démocratie participative par Madame Ségolène Royal, on se rend compte que la vraie démocratie participative, c'est une élection au suffrage universel quand elle est fréquentée par 85% des gens. Donc, comme de toute façon, puisqu'on a joué sur ce thème de la VIe République, tant Monsieur Montebourg que Madame Royal que Monsieur Bayrou, la seule réforme constitutionnelle qui serait véritable, c'est on n'élit plus le président de la République au suffrage universel. Tant qu'on ne touche pas, et je souhaite qu'on ne touche pas, mais tant qu'on ne touche pas à cette question-là, le reste, je ne dis pas que ce n'est pas important, la nomination contrôlée par l'Assemblée nationale, des votes l'État impartial, tout ça est très vrai, le 49-3, les commissions qui jouent un rôle, tout ça est nécessaire, un peu de proportionnel pour le Sénat ou la proportionnelle complète pour le Sénat, mais ça ne changera rien par rapport à l'aspect fondamental qui est que le candidat qui sera porté par une dizaine ou une douzaine ou 15 millions d'électeurs, de toute façon aura un poids tel par rapport aux institutions même rénovées que nous serons toujours dans la Ve République, même si on appelle cette rénovation VIe République, ce qui est un leurre. Un mot, Max Gallo, sur votre propre positionnement dans cette campagne, parce que Jean-François Colosimo parlait de basculement tout à l'heure, et vous-même de cette difficulté de la gauche à appréhender un peu le monde qui a changé. Vous étiez, au début des années 80, vous avez été ministre sous François Mitterrand. Comment vous expliquez que des hommes comme vous, et vous n'êtes pas le seul, désormais suivent plutôt Nicolas Sarkozy? Non, suive, je déteste ce mot, je n'ai pas de... Je ne vous ne vous ralliez pas à son panache blanc, vous l'avez dit. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Mais enfin, vous êtes séduit quand même. Je ne sais pas que je suis séduit, c'est quand j'écoute les discours de Nicolas Sarkozy, leur aspect tentative d'analyse rationnelle du monde tel qu'il est, de la société française tel qu'il est, son discours sur l'histoire de France me satisfait tout à fait. J'ai écrit, je l'ai peut-être déjà dit, en janvier 2006, un petit livre qui s'est appelé « Fier d'être français », qui se terminait par un paragraphe dans lequel je disais « La question de l'identité nationale », c'était en janvier 2006, est au cœur de la prochaine présidentielle, et le candidat qui s'emparera de cette question-là sera celui qui rencontrera l'écoute des Français. Pourquoi? Parce que depuis 15 ou 20 ans, j'ai la conviction, depuis les années 70-80, j'ai écrit dans l'hebdomadaire socialiste dans 81, où j'ai remplacé la tribune de Mitterrand quand il est devenu président de la République, il occupait la dernière page, c'est moi qui l'ai tenu après lui, j'ai écrit un article qui s'appelait « Vive la nation ». Ma conviction depuis les années 70-80, c'est que la nation n'est pas une forme obsolète. Et en conséquence, j'ai tous mes écrits depuis ce moment-là, tourne autour de cette question, qu'il se soit des romans que j'appelle les patriotes, bleu, blanc, rouge, ou les chrétiens, ça tourne autour de cette question. Vous ne voulez pas quand même que quand un candidat à la présidentielle exprime cela, avec talent par-dessus le marché, je dise, ah, il est de droite. alors que les frontières entre la droite et la gauche sont devenues si sinueuses que bien malin celui qui pourrait tout à fait les suivre sans aller d'un côté ou de l'autre. Il faut croire que Nicolas Sarkozy a lu votre livre « Fier d'être français ». Je crois. On peut l'imaginer. Jean-François Colossimo. Oui, alors justement, pour revenir à la gauche, en dépit de la présence de votre ami Jean-Pierre Chevènement auprès de Ségolène Royal, est-ce que finalement la campagne fusionnelle de Ségolène ne marque pas la victoire définitive au sein de la gauche des 68ards, en quelque sorte, sur les Républicains, dont vous étiez avec le CRS, enfin, etc., jadis. Est-ce que cette déréalisation de la gauche, c'est pas ça aussi? Est-ce que c'est pas l'adoption du discours 68ard, finalement? Oui, mais le personnage de Ségolène, de ce point de vue-là, est ambigu, car elle tient en même temps, avec retard, en se plaçant sur le terrain et à la traîne de Nicolas Sarkozy, quand elle a cessé de faire chanter à la fin de ses meetings « Bella Ciao », chant admirable que je connais, et qu'elle a brusquement découvert qu'il fallait chanter la Marseillaise. Et je dois vous dire, pour être tout à fait vrai, que c'est dans un débat télévisé avec Montebourg que je me suis scandalisé du fait que, le jour du pacte présidentiel à Villepinte, on avait terminé ce meeting capital par « Bella Ciao ». J'ai dit « Pourquoi pas la Marseillaise ?» Montebourg a scié des yeux, dit oui, vous avez raison. Une semaine après, on chantait la Marseillaise dans les meetings de Ségolène Royal. Donc le personnage est ambigu, car je le crois en effet de culture classiquement conservatrice, Ségolène Royal, par ses origines, par son affect, par son éducation, et en même temps, et de ce point de vue-là, elle est extrêmement mitterrandienne, elle a cet enracinement dans ce qu'on peut appeler le conservatisme classique, la tradition, disons, et en même temps, elle est socialiste, c'est-à-dire qu'elle a l'ambition d'arriver au pouvoir, C'est tout? Le socialisme, c'est à peu près ça? Par certaines voies, donc, en utilisant un certain type de discours. Donc, elle a cette ambiguïté, mais au-delà de la personnalité de Ségolène Royal, vous avez raison, je crois, de dire que c'est en effet une des conséquences de l'idéologie de 68 que le recours à ce type de discours où la raison et même la nation ne sont pas présentes, si vous voulez. Et je crois que de ce point de vue-là, en mettant l'accent sur cette question de 68, au-delà de la posture politicienne, de la tactique politicienne, qui évidemment doit être tout à fait présente à la conscience de Nicolas Sarkozy, qui sait bien que ce 68 réveille un certain nombre de choses. 68, en effet, mérite une critique. Mais une critique, d'abord une description, nous n'avons pas le temps de le faire, mais le fait qu'il y ait eu en effet un mouvement gréviste qui a probablement mobilisé entre 10 et 11 millions de salariés, qui ont obtenu des avantages réels, que ça a en effet débloqué d'une certaine manière la société française, c'est vrai, mais au bénéfice de quoi et de qui? C'est ça la question. C'est que 68 a été en fait capitalisé et fait fructifier par un certain nombre de catégories sociales qui n'ont jamais réussi, sinon au-delà de la gesticulation en montant sur un tonneau, essayer de rencontrer le monde ouvrier, et que le monde ouvrier s'est débrouillé lui-même jusqu'à traiter, pour dire les rapports entre le monde ouvrier et 68, jusqu'à traiter les communistes, Cohn-Bendit, anarchistes allemands, jusqu'à les chasser des usines à coups de boulons envoyés avec des frondes quand ils essayaient de faire la rencontre entre le monde ouvrier et le monde étudiant. Donc c'est un phénomène très complexe, mais il n'empêche que ce phénomène, entre guillemets, de modernisation, incontestablement, c'est une modernisation d'un certain type qui a eu lieu. Et on a tout à fait le droit de dire, et j'étais le cas, j'étais maître assistant dans une faculté à l'époque, c'est-à-dire que j'étais au contact des étudiants, je savais bien qui ils étaient, j'ai même écrit un petit livre qui s'appelait « Gauchisme, réformisme et révolution » en septembre 68, parce que j'ai compris dès ce moment-là, dès le 11 mai, quand j'ai vu la CGT accepter de négocier avec le gouvernement sur les accords salariaux, j'ai dit ce mouvement, il va se dissocier en deux, bien entendu, et il est terminé. Nous étions le 11 mai, le 12 ou 13 mai, il est terminé, historiquement il est terminé, nous allons voir un certain nombre de catégories sociales qui vont en effet s'embarquer dans une direction qui a provoqué, ne l'oublions pas, car mai 68, c'est l'échec d'une stratégie démocratique de la gauche d'accéder au pouvoir, la gauche qui est entraînée dans cette, entre guillemets, dans cette révolution de mai 68, avec pour première conséquence, juin 69, la plus forte majorité de droite qui ait été élue depuis 1945, avec à la suite l'élection de Pompidou, avec à la suite l'élection de Giscard. Donc si on dit que la gauche a besoin de se ressourcer à mai 68 et a fêté à Charletti le souvenir de 68, alors que Charletti en 68, c'est l'espoir totalement illusoire de Mendès France et de Mitterrand d'emporter le pouvoir alors que les affaires sont déjà jouées tout à fait, c'est désolant pour la gauche. Est-ce que c'est une page qui se tourne avec cette remise en cause, notamment par Nicolas Sarkozy, mais aussi par d'autres, de cette période ? Oui, c'est une page qui, je crois que c'est une page qui se tourne. Je crois en effet, comme je vous l'ai dit, que la mort a commencé, enfin la mort, l'acte, le décès de cette idéologie, ce sont les années 60-70, mais il est clair que symboliquement, quand Libération est désormais la propriété de Monsieur Rothschild, nous sommes effectivement dans un monde qui est tout à fait loin de 68, vous le reconnaîtrez par les faits, nous en sommes très loin, mais surtout je crois que nous sommes dans un moment où un certain nombre, en effet, comme dit Ségolène Royal, de tabous sont tombés, mais où chacun de nous, enfin moi en tout cas, mais d'autres, sommes capables de nous déterminer, et moi ça fait, je le reconnais, plusieurs années, sommes capables de nous déterminer sans avoir le sentiment d'être écrasés par un surmoi de culpabilité. Ce surmoi de la pensée de gauche qui écrasait un certain nombre d'entre nous, disons-le, à la fois sincèrement parce qu'on était participants, que c'était notre histoire, etc., et en même temps parce que c'est un surmoi, ce surmoi, il est en train de voler en éclat. Il vole en éclat, il a volé en éclat. Et il a volé en éclat, pourquoi ? Parce qu'il n'est plus capable, j'y reviens, d'interpréter le monde, et qu'on ne s'est pas rendu compte, notamment dans les milieux socialistes, que la disparition et la faillite de l'Union soviétique n'allait pas concerner que les communistes, mais allait concerner tout le mouvement qui était rattaché en fait à l'idéologie marxiste, qui faisait l'unité d'action avec les communistes, et que c'était d'une certaine manière une impasse. Et des gens intelligents, qui me sont très proches, j'entends les Italiens, ont parfaitement compris ça. Et on changeait le nom. C'est un problème français, c'est qu'en France, on n'a pas pu penser l'évolution de la gauche. Je pense que c'est en France. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Ben ça renvoie à l'enracinement de la gauche dans la République, l'attachement à la République, l'idée que la révolution russe n'était après tout que la fille, alors il n'y a pas que Furet qui pense ça, mais aussi à gauche on pensait ça. Dans les années 36, par exemple, en 1936, un historien marxiste qui s'appelait Jean Bruat, qui est mort depuis, publiait un texte, vous allez saisir tout le sel de la chose, qui s'appelait « Le châtiment des traîtres pendant la Révolution française ». 1936, ça renvoie au procès de Moscou. Donc on voyait, et Mathiès, le spécialiste de Robespierre, pensait en effet que les bolcheviks n'étaient qu'une nouvelle mouture des jacobins. Donc il y avait cette osmose qui allait au-delà de la fidélité à Marx, qui s'enracinait dans le communisme, après tout, était une invention française, Babeuf, la conspiration des égaux, Lénine qui est enveloppé dans un drapeau de la Commune de Paris. Donc il y avait un lien particulier entre cette expérience, enfin ce régime soviétique, et puis l'histoire française, de là la difficulté à effectivement faire les rénovations nécessaires, si vous voulez. Max Gallo, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. Radio Notre-Dame. La vie repart. Un homme et une femme, Nicole Croisy, Pierre Barou, voilà le choix qui s'offre à nous pour dimanche. Mais auparavant, nous sommes avec Max Gallo, écrivain et historien, pour parler des enjeux, de la profondeur des enjeux qui se dessinent devant ce choix. Alors, première question de cette dernière partie, Jean-François Colosimo, qui représente le site orthodoxie.com. Il y a évidemment Nicolas Sarkozy. À lui fier d'être français, l'homme de la France, il a Henri Guénon à ses côtés, il parle de manière très convaincante de la nation, mais il a aussi à ses côtés Henri Glucksmann, l'équipe du meilleur des mondes, la revue, une revue qui elle est beaucoup plus, je dirais, centrée sur l'Amérique. Elle n'est pas autour de faire aussi, je t'arrête. Elle n'est pas autour de faire aussi, la revue est à moitié trois quarts à gauche. Non, mais il y a eu un sondage, elle s'est exprimée pour Ségolène Royal, la rédaction de la revue. Certes, mais cette revue-là, elle s'est distinguée, en tout cas Henri Glucksmann lui s'est distingué, par son appui à l'Amérique durant la guerre d'Irak. Ça a été une question souvent débattue, n'est-ce pas? Quelle aurait été l'attitude de Nicolas Sarkozy président? Quel est son lien, effectivement, je dirais, à l'Alliance Atlantique, son rapport à la nation, etc. Comment vous débrouillez-vous de cette interrogation? Écoutez, je ne me débrouille pas, c'est-à-dire que, je veux dire par là, je ne cherche pas à me débrouiller. Je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous raconter une anecdote, dans son Histoire socialiste de la Révolution française, Jaurès fait un portrait charge parfaitement exact de Robespierre. Personnage avec un égo, c'est pas comme ça qu'il parle, mais avec un égo monstrueux, qui pense toujours à lui, etc., etc. Puis il conclut, mais l'histoire est choix, et c'est à côté de Robespierre que j'irai m'asseoir aux Jacobins. Je crois que l'histoire est choix. On peut ne pas... Et il y a un effet dans tout ce que vous avez dit concernant l'Amérique, Glucksmann, etc. Il y a un effet des éléments avec lesquels je suis en totale contradiction, que j'ai manifesté, je me suis exprimé, non seulement contre le traité de Maastricht, mais contre la première guerre d'Irak, contre la seconde, évidemment. Je suis non au traité constitutionnel européen. Bref, mon histoire est claire. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Je tiens compte de la réalité. Il faut choisir, si puisque l'histoire est choix, on peut très bien ne pas choisir. On peut dire, moi, je m'extrais de l'histoire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelle est, dans la conjoncture présidentielle d'aujourd'hui, la moins mauvaise solution pour résoudre ce que je pense être les problèmes de la nation française. C'est ça ma question. Et c'est à celle-là que je réponds. Jean-Luc Mouton. Alors, dans la même série de choses autour de Nicolas Sarkozy, beaucoup de gens s'inquiètent de sa personnalité. Je ne sais pas ce que vous en connaissez, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Par contre, ce qu'on peut discuter, c'est certains aspects de son discours. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la paix civile. Est-ce que vous pensez que c'est un discours qui est acceptable d'opposer des catégories de gens? Par exemple, les feignants et ceux qui travaillent, ceux qui méritent le karcher, les voyous, les machins, etc. Il fait beaucoup de listes de personnes d'un côté et de l'autre. Est-ce que c'est pas droit? Parce que ça marche, ce discours. Moi, je l'ai vu concrètement dans le sud de la France, où il y a des vraies tensions dans les groupes des gens issus d'immigration et des gens qui sont autochtones. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus. Vous connaissez la petite ville de Beaucaire, où les gens votent à 45% pour le Front National. Pareil à Saint-Gilles, ça a beaucoup baissé d'ailleurs. Mais ce discours marche parce que les gens ont des vraies oppositions. Est-ce que c'est un discours qui est réaliste, qui est responsable? Voilà. Est-ce que c'est un discours responsable quand on veut être président de la République? Alors, de fustiger des gens et d'opposer des groupes de personnes les unes aux autres? Fustiger, je ne sais pas. Un petit peu quand même. Oui, d'accord. Et je pense par exemple que quel que soit les circonstances qui ont été rappelées, qui ont provoqué chez lui l'utilisation du mot racaille ou du mot karcher. Non, je veux dire, je considère que il n'avait pas employé ces mots. Oui, je suis donc clair, il n'avait pas les employés, on pouvait stigmatiser d'une autre façon. Il dit qu'il a repris ce qu'on lui a dit dans la rue. Mais ce qui est vrai. Ouais. Il y a eu une émission qui s'appelle Arrêt sur image, qui a parfaitement montré que c'était une habitante qui disait, qu'est-ce que vous allez faire avec ces racailles? Et il répond. Il a repris le terme. Il a repris le terme en disant, etc. Donc, ça, je suis d'accord, le langage est très important et il ne s'agit pas de stigmatiser. Mais, cela étant dit, quand j'entends Ségolène Royal, Je ne reviens pas sur ce qu'elle annonce comme violence dans la rue, etc. Qui est, à mon avis, j'ai déjà dit ce que j'en pensais dans la première partie de l'émission. Mais quand je l'entends dire, je veux une société d'harmonie, une France apaisée, gagnant-gagnant, des cercles vertueux. Moi, en moi se dresse toute ma lucidité d'historien. Je veux dire, je crois qu'une société est toujours conflictuelle. Que la seule question qu'il faut se poser, ça n'est pas celle de masquer par des baumes magiques les conflits, les rapports violents entre les catégories, c'est de dire comment je les résous. Alors, évidemment, tout le monde est pour l'harmonie, le gagnant-gagnant, les cercles vertueux. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise il y a telle et telle catégorie ou que dans telle banlieue, il y a une minorité de voyous. Ce qui m'intéresse, je ne dis pas, c'est pas parce que vous allez les nommer que vous allez les faire naître. Si les nommer est la condition première de la prise de conscience pour résoudre de façon démocratique, j'entends bien, le problème, alors je suis pour qu'on nomme. Non, je ne crois... C'est les désigner aussi. Oui, mais c'est les désigner, mais il faut désigner les choses. Si vous ne désignez pas un tricheur, par exemple, vous ne désignez... Si nous sommes dans une société où tout se vaut, je veux dire, où on masque sous le peace and love. La vie, l'histoire, ça n'est pas peace and love. L'histoire, je ne fais pas, disant cela, je n'exalte pas le côté anthropophagique de la vie humaine et de l'histoire, car les hommes sont des anthropophages, oui, oui. Soyons clairs. Mais je dis simplement, écoutez, si vous voulons empêcher la violence et l'anthropophagie, commençons à dire... Ça existe dans la société. On est dans une radio chrétienne. Nous faisons la distinction. Vous êtes chrétien. Nous faisons la distinction entre le pécheur et le péché. Désigner le mal, désigner des comportements délictueux, c'est une chose. Mais désigner des personnes montrer du doigt des personnes, c'est encore un peu autre chose. Écoutez, des catégories, c'est alors plus grave. Je suis peut-être un mauvais chrétien. Ah non, j'en prie. Non, je suis peut-être un meilleur historien. Ouais. Je crois, en effet, et là vous avez raison, et ça me touche, je crois en plus que ma manière dont je m'approche du christianisme est la suivante. Je crois que la révolution chrétienne, c'est effectivement de découvrir qu'il y a et d'affirmer qu'il y a du sacré dans chaque homme. Oui, au-delà de la bien sûr, au-delà du mal, il y a une personne. Il y a une personne et qu'il s'agit effectivement, de toujours se souvenir de ce côté-là, c'est qu'en tuant l'autre, on se tue soi-même, d'une certaine manière, parce qu'on tue l'image du sacré. Donc je suis parfaitement convaincu de ça, mais en même temps, je suis convaincu que nommer, non pas X ou Y, mais nommer les problèmes, les réalités, bref, la violence qui est réelle dans la société, vous ne pouvez pas entraîner derrière vous, si vous ne dites pas, par exemple, prenons la gare du Nord, les événements qui se sont produits à la gare du Nord, si vous ne dites pas qu'il y avait un tricheur, si vous n'osez pas dire que ce tricheur était congolais et qu'il avait affaire à des surveillants de la RATP qui étaient eux-mêmes maghrébins, et qu'il a dit, si j'en crois le monde, en fait c'est une affaire entre noirs et arabes, ils m'ont cassé la gueule, etc. Si vous n'identifiez pas ces conflits qui existent, si vous ne les nommez pas, vous ne pourrez pas les résoudre. On ne voulait pas les résoudre. C'est comme la statistique en France qui refuse de faire des statistiques sur les origines des individus sous prétexte qu'il y a, en effet, qu'il faut établir, comme ça, mettre un... Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut apprendre à nommer, faire un diagnostic de la réalité violente de nos sociétés, je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est en tout cas le préalable à l'application de solutions démocratiques, j'entends bien. Jean-François Colasimo. Oui, juste, je voulais dire justement, est-ce que le grand tournant de cette élection, c'est pas finalement, au fond, la fin du discours rousseauiste? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on n'a pas appris en France à reconnaître, enfin, qu'il y avait quand même du mal dans l'histoire, et reconnaître qu'il y a du mal dans l'histoire, ça se pose pas au fait d'être chrétien. C'est ensuite la réponse qu'on apporte, qu'il sera chrétien ou pas, n'est-ce pas, au traitement de ce mal, mais reconnaître qu'il y a du mal dans l'histoire, et puis reconnaître que le mal, on n'en est pas toujours que victime, on en est aussi l'auteur, et que le mal n'est pas toujours extérieur à nous, mais en nous. Et moi, quand j'entends aussi d'ailleurs le discours de Ségolène, là-dessus, le discours qu'on a tellement brocardé d'envoyer l'armée dans les banlieues, mais c'est un discours... De surveiller les oui, centres fermés avec l'armée. Ou de remettre des délinquants aux soldats, enfin, etc., qui doit être un discours de fille de militaire, mais c'est aussi un discours d'urgence. Est-ce que ces élections n'ont pas marqué, finalement, au fond, l'urgence de ce que vous appeliez au départ le retour du réel? Bon, c'est ce que j'espère, elles vont marquer ces élections, le retour du réel, même si, phrase classique, vers classique de René Char, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Donc c'est vrai que c'est difficile de se blesser par la lucidité. Mais ce que je crains, c'est que vous ne soyez optimiste, mon cher Jean-François, parce que tout le discours tenu par notamment les écologistes, ou leurs extrêmes, les extrêmes écologistes, ou bien les adversaires des OGM. Moi, je suis pas un spécialiste, mais j'y vois quoi derrière? Les préserver, remettre du loup dans les montagnes, des ours dans les Pyrénées, puis s'étonner que les loups bouffent les moutons et que les ours parfois deviennent méchants. C'est quoi? C'est l'idée, c'est l'implicite, l'idée que précisément la nature est bonne. Mais que la civilisation l'a détruite, a fait triompher le mal. Et 2%. Donc le rousseauisme me paraît quand même encore très présent dans notre discours médiatique, en tout cas. Dans les élections, c'est autre chose, parce que les bergers qui perdent des moutons ne sont pas tout à fait amoureux des loups. Ils se font entendre, en tout cas. Jean-François Colasimon. Oui, je veux dire simplement, effectivement, cette écologie que vous décrivez, elle a quand même dramatiquement chuté aussi, au moins là encore dans les élections. Vous avez parfaitement raison sur le discours médiatique, elle est omniprésente. Mais ce décalage entre médias, au fond, et représentation populaire, est-ce que c'est pas aussi, encore une fois, une des leçons de cette élection? C'était le cas sur l'Europe, c'était le cas un peu avant. Est-ce que là, on n'a pas un fossé qui se creuse, quoi? Bien sûr, parce que là, il faudrait faire une analyse parfaitement froide et réelle des influences, pas seulement de la propriété des journaux par tel ou tel groupe financier, mais de l'idéologie de la classe médiatique. C'est-à-dire, où qu'apprend-elle? Qui lui apprend? Où puisse-t-elle son mode de réaction aux événements? Est-ce qu'elle n'est pas, elle aussi, d'une certaine manière, même s'il s'agit des petits-fils parfois, le produit de cette idéologie de 68, c'est-à-dire une idéologie qui perdure à travers les canaux de l'enseignement, etc., et qui fait que devant la réalité, on a beaucoup plus de sympathie pour tel candidat que pour tel autre, quelle que soit la propriété, le propriétaire du journal en question. Moi, j'ai dirigé un journal, je peux vous dire que la propriété du journal, elle a peu d'influence sur une rédaction qui veut écrire autre chose et faire un titre à sa manière. Peut-être une dernière question, il nous reste à peu près 3 minutes, Max Gallo, puisque vous ramenez le débat sur mai 68. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté chez Nicolas Sarkozy, qui pourtant donc affiche son intention de remettre en cause le relativisme, notamment né de mai 68? Est-ce que sur les questions éthiques qui intéressent particulièrement les chrétiens, et Nicolas Sarkozy se réclame aussi beaucoup du christianisme, il cite Jean-Paul II, est-ce que sur ces questions éthiques-là, Nicolas Sarkozy n'est pas un héritier de mai 68? Je pense à toutes les questions éthiques, l'avortement, l'euthanasie, où il y a une certaine ambiguïté chez le candidat. Je ne sais pas, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas bien, c'est pas une fuite de ma part. Hein. Je suis moi-même sur ces, je peux pas vous donner de jugement parce que je suis moi-même sur ces questions extrêmement hésitant, balancé. L'euthanasie, vous me demanderez de répondre, je ne sais pas, je suis tout à fait hésitant. Ce qui m'a paru intéressant, enfin de toutes ces question décisive, c'est la question sur la génétique, si vous voulez, qui m'a paru, alors elle, poser un vrai problème que je crois, j'ai relu l'interview de Sarkozy avec, enfin la conversation avec Michel Onfray, je crois que c'est plus nuancé que la caricature qu'on en a donnée. Cela dit, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est, je crois que notre discours n'est plus sur la génétique, n'est plus adapté aux découvertes scientifiques, où la part de la génétique est mise en avant dans des tas de domaines, notamment même les domaines de la dépression nerveuse, de la schizophrénie, et donc par voie de conséquence le suicide. Et je crois, et donc là, il y a un retard de notre discours, nous n'osons pas regarder cette réalité parce qu'elle nous interroge fortement. En même temps, comme chrétien et comme humaniste, je dirais, je crois que l'homme doit affirmer le postulat, car je ne crois pas qu'on puisse le démontrer, le postulat de la liberté humaine, c'est-à-dire de la créativité humaine. Et quel que soit le parcours des savants dans la génétique, je crois qu'une position, c'est l'homme, en dernière instance, est libre de ses choix. La liberté, ce sera votre dernier mot, Max Gallo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour conclure cette série d'émissions consacrées à l'élection présidentielle. Sera-t-elle providentielle? Réponse peut-être dimanche ou plus tard. En tout cas, chers auditeurs, restez avec nous puisque la semaine prochaine, nous nous retrouvons toujours avec Jean-Luc Mouton et Jean-François Colosimo pour continuer à analyser l'actualité.